Sèche sur un seau mort et le merde qui va avec. Classique, comme de l'herbe et puis un verre qui donne de mauvais verbes. Attends un scud avec envie, c'est classique. Comme nous faire chier avec vos stars qui chantent du plastique. Polir un verre, en être fier, tout ça c'est classique. Devenir fou sur quelques verres, tout ça c'est basique. Écrire des peines, y mettre les siennes, tout ça c'est classique. Leur écouter, leur regretter, tout ça c'est basique. Gratter un son, cramer un spar, tout ça c'est classique. Les deux ensemble, ils se rassemblent, le son est drastique. Franchir la ligne, y mettre une mine, tout ça c'est classique. Rappel à l'ordre, sa conscience, un spied drastique. Tonner devant un pète à la recherche d'une rime, c'est classique. Les erreurs, les ratés, les ratures, c'est basique. Et faire du mal aux gens avec des mots, c'est classique. S'en battre les couilles, ça entre nous, ça coûte, c'est tragique. Merci quand de la peur, que l'on déverse dans les rimes. Merci quand tu fais que c'est normal d'avoir des primes. Merci quand tu me presses, tu demandes des rimes. Yeah, yeah, yeah, oh, oh. Merci quand de la peur, que l'on déverse dans les rimes. Merci quand tu fais que c'est normal d'avoir des primes. Merci quand tu me presses, tu demandes des rimes. Yeah, yeah.